Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par Devenir Entrepreneur, une plateforme web qui vous présente les défis et bonheurs du métier d'entrepreneur. Découvrez des entrepreneurs ambitieux et leurs stratégies de croissance à l'échelle locale et internationale en visitant devenirentrepreneur.com. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'étonnante carrière de Rudy Vallée, franco-américain et immense vedette de la chanson. Because I'm about to introduce, I guess, the biggest name in show business when it comes to crooning. Because he goes back a little further than most of them and was the first big, big crooning star. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce Mr. Rudy Vallée. Tout est dit dans cette courte présentation de Rudy Vallée par l'animateur Casey Kasem à son émission Shebang en 1967. Rudy Vallée a en effet été la première grande vedette crooner de l'histoire et c'est lui qui a ouvert la voie aux autres grands chanteurs de charme qui vont suivre. Entre 1927 et 1941, Rudy Vallée va enregistrer plus de 200 chansons à succès. Les émissions qu'il va animer à la radio vont rejoindre des dizaines de millions d'auditeurs et il va se transformer très rapidement en véritable idole de la jeunesse. All alone I sit and dream of someone, someone that I hold as my ideal, hoping that someday I'll find that someone, wondering what the future will reveal. I was tremendously oversexed. Tremendous French passion, probably from the French side of me. J'étais vraiment surexcité sexuellement. Une sorte de passion qui venait sans doute de mon côté français. J'embrassais merveilleusement bien et j'étais beaucoup plus romantique avec les femmes que l'homme moyen qui était complètement nul à ce niveau-là. Much better than the average son of a bitch was a clod when it comes to being really romantic. But I'm just a vagabond lover in search of a sweetheart. I know that someday I'll discover the girl of my vagabond dreams. Rudy Vallée chantant « I'm just a vagabond lover », une chanson enregistrée en 1927. Au début de cette pièce, vous entendiez Rudy Vallée parler de son côté séducteur lors d'une entrevue accordée au Réseau anglais de Radio-Canada en 1979 pour nous raconter la carrière assez exceptionnelle de Rudy Vallée, figure importante de la chanson populaire aux États-Unis, mais presque complètement passée à l'oubli aujourd'hui. Je reçois l'historien Pierre Lavoie qui s'intéresse de près à l'histoire des Franco-Américains et des États de la Nouvelle-Angleterre. Pierre Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Quelle importance il a eu, Rudy Vallée? C'est vrai qu'il est passé à l'oubli, mais à l'époque, c'était une grande, grande vedette. Quelle importance il a eu dans l'histoire de la musique et du showbiz aux États-Unis? Bon, bien, dans l'histoire du showbiz, on en parle carrément, comme vous le disiez un peu plus tôt, comme le père fondateur du crooning. Donc, ce style de chant un peu susurré, très romantique. Avant même les Bing Crosby. Avant même Bing Crosby, qui va devenir un de ses grands rivaux, en fait, comme Russ Colombo aussi. Et on peut dire de Rudy Vallée, qui va être aussi une des premières idées des adolescents, un peu dans le modèle qu'on va connaître plutôt dans les années 50 avec le rock'n'roll, les années 60 avec les Beatles et compagnie. Donc, les foules en liesse de jeunes adolescentes pâmées devant lui et il va devenir une de ses premières figures multimédiatiques aussi qui va transiter de la radio, du chant et de l'enregistrement au cinéma et plus tard à la télévision aussi. Et quand on regarde dans les années 30, dans le zénith de sa carrière, si on veut, quand on voit les articles dans les revues comme Radio Digest, les trucs comme ça, on est beaucoup plus dans sa vie personnelle que dans sa carrière artistique. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'image d'un teen idol, pour utiliser l'expression américaine. C'est comme ça qu'il va marquer un peu l'imaginaire collectif à cette époque-là. Et comme vous l'avez dit, c'est une étoile qui va pâlir quand même. On le connaît moins aujourd'hui, beaucoup moins qu'un Bing Crosby et qu'un Louis Armstrong, par exemple. Par contre, quand on remonte aux années 50, c'était une des figures qui était le plus associée à la nostalgie de la fin des années 20 et des années 30. Donc, il y a vraiment des transitions dans la mémoire de Rudy Vallée, si on veut. Ouais. Ben, commençons par le début en rappelant peut-être ses origines franco-américaine. Il naît en 1901 au Vermont. Il y a une partie de sa famille qui est francophone, qui vient du Québec. Parlez-moi un petit peu de ses origines, du milieu auquel il appartient, du genre d'enfance, d'adolescence qu'il a, Rudy Vallée. Oui, il va naître à Island Pound, donc très près des lignes du Québec, en fait, au Vermont, dans la région de Newport. Et assez jeune, ils vont déménager, lui et sa famille, au Maine, dans la ville de Westbrook, plus près de la région de Portland. Et c'est par son père, Charles, donc il a un héritage canadien-français. C'est ses grands-parents du côté paternel qui viennent du Québec et ses grands-parents maternels viennent de l'Irlande. Donc, il est partageant deux héritages ethno-culturels, si on veut. Mais comme on va en parler un petit peu plus tard, c'est pas des ancrages culturels auxquels il s'accroche beaucoup. Ouais. Dans sa jeunesse, il va vivre surtout en anglais. Il va faire son éducation primaire et secondaire dans le système public américain. Il va notamment être, selon ce que j'ai pu voir dans ses archives, en fait, ses correspondances, il est plus près de sa mère, qui est anglophone, Catherine Lynch, justement. Et il vient d'une famille qu'on pourrait considérer comme de la classe moyenne élevée. Son père est propriétaire d'une pharmacie. Il s'occupe aussi d'un théâtre dans la ville de Westbrook. On sait aussi qu'il a fait des études universitaires, Rudy Vallée, donc une certaine... Dans de grandes universités, d'ailleurs. Absolument. Il a commencé à l'Université du Maine à Orono, dans le nord-est du Maine, mais assez rapidement, il a transité. Après un court passage en Angleterre pour aller faire un contrat au Savoy Hotel, il va revenir et il va faire une majeure en espagnol à l'Université Yale, donc un Ivy League College américain, une des plus prestigieuses universités américaines. Et on peut se douter, donc, à ce moment-là, que ça prenait quand même un certain support financier qui venait de sa famille, même si c'est pas des traces que j'ai pu confirmer, et aussi qu'il payait une partie de ses études grâce à la musique. Oui. Donc, il était saxophoniste dans des orchestres, dans des ensembles qui faisaient des petites tournées. Donc, on sait que Yale, c'est à New Haven, au Connecticut. Bon, il va faire les tournées autour du Connecticut, et c'est un peu comme ça qu'il va payer ses études-là. Et donc, l'aspect musical, il commence à peu près au moment de ses études universitaires. Là. En fait, il commence à jouer de la musique dès le lycée, dès le secondaire, si on veut. Il va jouer de la batterie au début. Rapidement, il va transférer vers les instruments à vent. Il va surtout être connu pour le saxophone alto. Mais donc, c'est tout au long de la fin de ses études secondaires et au début de ses études universitaires qu'il va consolider, si on veut, ses acquis et ses qualités de musicien et qu'il va rapidement aussi transiter vers des qualités de band leader, donc de directeur d'ensemble. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il va essayer tranquillement de pousser la chansonnette un petit peu. Et d'ailleurs, paraîtrait-il qu'au départ, il s'est fait recommander de ne pas chanter par ses contemporains. L'histoire sera de son côté, en fait, parce qu'on va, on va retenir de lui qu'il est la première voix des crooners américains. Mais donc, au départ, c'était plutôt un instrumentiste et un directeur d'ensemble. Oui. Et puis, il y aura, évidemment, vous le disiez, c'est un des premiers artistes multimédia. Il y a la chanson, puis on va y revenir à cette voix qu'il a, puis aux nombreux succès qu'il aura sur disque. Mais tout à côté, en parallèle et très, très vite, il y aura, et c'est là probablement qu'il se fera d'abord connaître, la radio. My time is your time. Your time is my time. Hi-ho, everybody. This is Rudy Vallée and Company. And company includes Mr. George Gershwin. We shall hear the third movement of Mr. Gershwin's Concerto in F with the composer at the piano. Miss Kitty Carlisle, who in the old phrase is the current toast of the town. More about Kitty later. Richie Craig Jr., young comedian and writer, back in New York after that inevitable trip to Hollywood. Miss Jean Dixon, in a radio dramatization of The Love Nest by the late Ring Lardner. C'est un extrait de l'émission de Fleischman Yeast Hour diffusée à CBS le 9 novembre 1933 qu'on entendait. Ce qu'on peut dire, Pierre Lavoie, que c'est vraiment à la radio où Rudy Vallée va vraiment devenir une super vedette. Oui, ça va dans les deux directions, dans la mesure où c'est la radio qui va lancer Rudy Vallée, mais Rudy Vallée lance un peu la radio aussi. Il fait partie des premières grandes vedettes qui vont propulser ce média-là à l'avant-plan. Il va tout au long des années 30, à partir de la fin des années 20, donc on le disait un petit peu plus tôt, c'est là qu'il va être découvert. En fait, il était directeur de l'ensemble au Hi-Ho Hotel de Manhattan et c'est la station WABC qui va commencer à diffuser ses spectacles à ce moment-là et ça va être assez rapide. Très, très vite, ouais, très rapidement, ça. Il va devenir une grande vedette. On parle que dès 1928-1929, il doit parfois être escorté par la police pour se rendre dans le hall de l'hôtel pour aller faire son spectacle. Les gens l'attendent devant toutes les salles, devant tous les endroits où on sait qu'il va aller se présenter. Et donc, il va participer participé de ces premières années-là de la radio commerciale. Avec des salaires mirobolants. On parle parfois de 40 000 $ par semaine en période de Grande Dépression. C'est assez incroyable. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est l'époque de la radio commerciale dans la mesure où tous les programmes auxquels il participe portent toujours le nom d'un commanditaire. Donc, on a mentionné le Fleischmann Yeast Hour, il y a le Royal Gelatine Hour. Plus tard, il va avoir son Rudy Vallée Show, donc il va devenir assez important pour donner son nom au spectacle. Mais c'est le parallèle que je ferais pour ramener ça un petit peu à l'histoire du Québec, du Canada français aussi, ce sont ces activités de radio commerciale-là américaines qui vont inquiéter de ce côté-ci de la frontière certaines personnes et qui vont pousser, par exemple, la commission Heard et qui va mener notamment à la Fondation de Radio-Canada ici. Donc, on peut relier Rudy Vallée à beaucoup de mouvements culturels de cette époque-là. C'est tellement énorme. C'est des succès, c'est des salaires énormes. 40 000 $ par semaine à l'époque, c'est des auditoires énormes. Et en fait, le Canada commence à craindre pour son identité culturelle parce que ces émissions de radio, elles sont entendues aux États-Unis, mais au Canada aussi. Non seulement les émissions, les ondes traversent les frontières, mais il y a aussi des partenariats qui sont faits entre les grands réseaux de diffusion américains et les stations montréalaises, torontoises, canadiennes en général, dont CKAC, qui va rediffuser des émissions américaines aussi. À cette époque-là, on est dans probablement la plus grande fièvre d'anti-américanisme, si on veut, au Québec. On peut penser à des intellectuels comme Lionel Groulx, Marc-Olin Antonio Lamarche de la Revue Dominicaine. Ces personnes-là vont s'attaquer à l'américanisation sous toutes ses formes. L'américanisation qui est économique, bien entendu, qui est matérielle, mais qui est aussi et avant tout dans leur discours culturel. Et Rudy Vallée va faire partie de ces vedettes-là qui projettent vers le Canada français des valeurs modernes, des valeurs plus matérialistes, des valeurs à leurs yeux aussi plus sensuelles et tout. Donc, il va représenter, pas nécessairement lui, mais le modèle qu'il représente et craint ici Parce qu'au fond, c'est pas tellement lui. Dans quelle mesure il est connu? Il va venir à Montréal, on en parlera dans un instant, en 1936. Dans quelle mesure il est connu au Canada français, au Québec? Je sais pas s'il est très connu, mais il représente ce qui menace du point de vue du clergé, notre culture, notre différence. Oui, il demeure quand même connu. Les recherches en archives que j'ai pu faire m'ont permis de voir que dans les revues avec des commentaires des auteurs, des lettres des auditeurs, il y en a beaucoup qui viennent de Montréal qui écrivent aussi pour parler ou pour essayer d'avoir un contact avec Rudy Vallée. Par contre, ce n'est pas en tant que Canadien-Français ou en tant que Franco-Américain qu'il est connu, mais c'est bien en tant que vedette américaine. Ouais. D'ailleurs, il y a un article de la Revue Populaire en 1931 qui est absolument délicieux à ce sujet, où on va opposer Rudy Vallée, qui n'est pas du tout à ce moment-là présenté comme un descendant de francophone, à Mary Travers, à la Bolduc. On va présenter la Bolduc comme l'antidote à ses Rudy Vallée. Donc, Rudy Vallée devient une espèce de figure exemplaire pour parler de tous ces chanteurs de charme qui sont portés vers le luxe, qui sont portés vers la vie un peu décadente. Oh, Phil, the Stein's to dear old Maine, shout till the rafters ring. Stand and drink a toast once again, let every loyal Maine man sing. Then drink to all the happy hours, drink to the careless days. Drink to Maine, our alma mater, the college of our hearts always. Ça tombe bien qu'on entende cette pièce. Ce sera The Stein's Song qu'il enregistre en 1930, Rudy Vallée, un des grands, grands succès qu'il aura. Mais il y en aura plein, plein de succès. Plus de 200 chansons à succès seront enregistrées par Rudy Vallée dans sur quoi à peu près 20 ans. Mais ça tombe bien qu'on entende cet extrait-là, Pierre Lavoie, parce que pour ceux qui ont écouté les paroles, on boit joliment dans la chanson dont il est question. Et c'est ça, vous nous en parlez, mais c'est ça qui indispose, entre autres, l'Église catholique au Québec. Stein's Song, 1930. Parlez-moi un petit peu de ce chanteur, de l'importance qu'il aura, de l'immense succès qu'il remportera comme chanteur, parce qu'on a vu qu'il a été très populaire à la radio, mais en chanson aussi, ce sera un phénomène. Oui, en chanson, au départ, comme je le disais, ça a été un petit peu hasardeux. Au départ, on ne voulait pas trop qu'il chante. Souvent, quand on entend ses premiers enregistrements, c'est simplement des petites portions des chansons. Il va intervenir en chant au milieu d'une pièce orchestrale. Mais assez rapidement, il va développer sa persona de scène de chanteur en chantant dans un cornet, dans un porte-voix qui va continuer à amené avec lui sur scène, même à l'époque où on a le micro condensateur dans les années 30. Donc, ça devient carrément une gimmick, si on veut. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Il va avoir plusieurs succès. On peut penser à The Drunkard Song, qui est mieux connu sous le nom There's a Tavern in Town. La fameuse Hey Ho, Everybody, Hey Ho, qui est reliée à son hôtel à Manhattan. Il va avoir son dernier grand succès, a été enregistré au début des années 30, mais a été un succès dans les années 40. C'est As Time Goes By, qu'on connaît bien à cause du film Casablanca de 1943 et qui va être réédité justement au début des années 40 et qui va redevenir un succès à ce moment-là. Il est très important, Rudy Vallée, pour l'histoire de la chanson américaine, comme je le disais un petit peu plus tôt, à cause de son amalgame, si on veut, de la façon qu'il a été associé au style du crooning. Ouais. Donc, à cette époque-là, il va développer ce style de chant que lui va définir comme étant inspiré du saxophone. Il va s'inspirer, à se dire, des lignes, des instruments solistes des grands ensembles de jazz, comme le trombone, le saxophone. Et au départ, on l'a bien entendu dans les extraits, il y a une voix assez haut perchée. Et c'est un filet de voix un petit peu. Oui, c'est mince. C'est très mince. Plus tard, au cours des années 30, sa voix va tomber un petit peu plus dans la gorge, dans la poitrine, un petit peu plus baryton, mais au départ, c'est vraiment un filet de voix quand même. Il s'ajuste, en fait, parce qu'il y a... On l'a évoqué, ce nom-là, il est incontournable quand on parle de crooner, on a parlé de Bing Crosby, mais c'est l'époque, là, il est dans une espèce... On va même parler d'une espèce de guerre, de bataille des barytons avec... Qu'est-ce que Crosby fait partie de cette bataille oui, des barytons? Oui, c'est donc Rudy Vallée, Bing Crosby et Russ Colombo, et ce qui est intéressant, c'est qu'eux vont être mis en scène comme étant dans la bataille des barytons, justement, ces trois grands chanteurs très populaires, à partir de 1930 environ, 1930-1931, et jusqu'en 1934, à la mort de Russ Colombo. À ce moment-là, c'est pas seulement une bataille entre des vedettes ou entre des chanteurs, c'est une bataille entre des réseaux de diffusion. Ouais. Donc, chacun des chanteurs va être associé à un grand radiodiffuseur. Rudy Vallée est associé à NBC. Bing Crosby va être associé à CBS. Donc, ils deviennent des porte-étendards d'une guerre commerciale aussi aux États-Unis à ce moment-là, entre les différents radiodiffuseurs. Qu'est-ce qu'il distingue parmi les autres crooners de l'époque sur le plan de la voix, de sa manière de chanter? C'est au départ, surtout, on peut parler de la primauté, du fait qu'il a été le premier. Ça le distingue en partant. Donc, on dit souvent dans les histoires de la musique aux États-Unis qu'il a inspiré le style de Bing Crosby, qu'il a inspiré le style des Sinatra, des Dean Martin qui vont suivre. Par contre, d'un point de vue plus technique, si on veut, justement, quand on entend les premiers enregistrements, on se rend bien compte que c'est très haut perché, c'est une voix de ténor. Bing Crosby est beaucoup plus dans les bas registres, une voix beaucoup plus feutrée. Et comme on le disait un petit peu plus tôt, dans les années 30, on se rend compte que Rudy Vallée entend le succès de ses collègues et que lui-même, peut-être aussi à cause de la maturité de sa voix, mais va se mettre de plus en plus à utiliser le ton plus caractéristique aujourd'hui du crooning. Durant la Seconde Guerre mondiale, il va décider de s'engager dans l'armée. Qu'est-ce qu'il y fera? Il va pas être mobilisé, en fait, au front ou au combat. Il va surtout être directeur d'orchestre. En fait, il va faire ce qu'il fait le mieux dans la vie. C'est ce qui... Il va avoir un certain succès aussi dans les orchestres militaires. Et par contre, assez rapidement, il va revenir à sa vie de vedette. Il était déjà établi à ce moment-là, dans les années 40, depuis la fin des années 30, si je ne me trompe pas. Il était déjà établi dans la région d'Hollywood, dans la région de Los Angeles. Et c'est à cet endroit-là qu'après la guerre, il va retourner, s'installer et poursuivre plutôt du côté de sa carrière cinématographique. Oh, I'm so sorry. Oh, this is awful. Oh, dear. I can't tell you how sorry I am. Don't mention it. I break them all the time. Were you climbing upstairs there? Well, I was, yes. Just a minute. I'll help you. Well, you're much too kind. Good night, sweetheart. Till we meet tomorrow. Good night, sweetheart. Sleep away your sorrow. Extrait du film The Palm Beach Story, réalisé en 1942. Il va participer à une quarantaine de films, Rudy Vallée, dans sa carrière. Que dire de Rudy Vallée, l'acteur, Pierre Lavoie? Au départ, c'est plutôt en tant que vedette qu'on l'amène devant une caméra, ce qui fait encore une fois qu'on l'associe à l'idée du vedettariat, du teen idol. The Vagabond Lover va être un peu un film biographique qu'on fait sur lui au départ. On utilise beaucoup sa figure publique pour créer le personnage principal. Par contre, plus tard, il va avoir quelques rôles principaux dans la fin des années 30, dans les années 40, mais il va surtout devenir un acteur de soutien, souvent dans des rôles comiques. On va lui reconnaître quand même un certain naturel, une certaine dégâts. Again. C'est ce qui fait aussi, c'est son charisme qu'on lui connaissait du temps de la radio, qui transperçait seulement avec sa voix à la radio et avec la chanson. Et au cinéma, ça va passer aussi. C'est un bel homme quand même. On parlait aussi de l'attrait qu'il avait envers les jeunes femmes. Et donc, on il va en jouer beaucoup de ça. On l'entendait au tout début de l'émission. Son côté séducteur, son côté, entre guillemets, French lover, il va en jouer beaucoup. Ben d'ailleurs, vous parlez de French lover. Quand il parle de ses origines, il ne parle jamais de Canadien-Français, mais il va parfois parler de son French lover ou de French temper aussi. Ouais. Donc, il parle plutôt de ça d'une façon assez exotique, si on veut, d'un point de vue plus romantique. Et donc, tout ça, j'imagine, aura aidé à le consolider comme étant un acteur de cinéma ou en fait plutôt un comédien de cinéma dans les années 40 et jusque dans les années 50. Et par la suite, ce premier passage-là devant caméra va lui permettre de se transposer à la télévision à partir des années 50 et ouais. jusqu'au début des années 80, en fait. Il vient à Montréal en 1936. Il est accueilli, c'est un accueil triomphal pour lui. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous en 36? Bien, d'abord, il vient ici pour faire une série de spectacles en décembre 1936 à l'Hôtel Mont-Royal sur Peel à Montréal, mais pas nécessairement en tant que francophone. Il n'est pas francophone. Donc, il vient plutôt pour une métropole nord-américaine. Non. Bien, en fait, comme je le disais, son père est d'origine canadienne-française. Son père même aussi, selon certains documents qui existent encore dans les archives, on peut voir qu'il était relié de près ou de loin aux institutions franco-américaines du Maine. Par contre, tout porte à croire que Rudy Vallée lui-même n'avait aucune affinité, si on veut, avec son héritage canadien-français. Ça va se développer un petit peu plus tard, à la fin de sa vie. Il va faire quelques recherches généalogiques pour essayer de retrouver des ancêtres au Québec et tout. Mais sinon, dans la promotion de sa carrière, comme je le disais, bien, on parle un petit peu de French temper ou de Irish temper aussi, de tempérament irlandais ou français. Mais jamais il va mettre de l'avant son ethnicité, si on veut, canadienne-française. Et quand il vient à Montréal en 36, c'est son père, en fait, qui insiste sur ce côté-là, cette filiation francophone. C'est pas Rudy Vallée lui-même. Oui, parce que Rudy Vallée, quand il arrive à Montréal, il débarque à la gare Windsor, c'est la folie furieuse. Il y a des cordons avec des policiers et tout pour retenir la foule. Il y a, sur les lieux, il y a des entrevues qui sont faites pour la radio, pour les journaux et tout. Il est accompagné, ça c'est intéressant, de Léo Le Sieur, qui est un personnage important de notre histoire culturelle au Québec, qui est un musicien, mais aussi un producteur de radio notamment. À ce moment-là, il a l'émission Sweet Cap à CKAC, et c'est un ami de jeunesse. Les deux ont développé leur talent dans les années 10 dans la région de Portland, et les deux, donc, vont se retrouver à la gare Windsor comme ça pour des entrevues que Rudy Vallée va être capable de faire en français, mais on se rend vite compte en lisant les comptes rendus de presse que c'est beaucoup son père qui prend le micro aussi. C'est une fierté pour lui que son fils soit de retour au Canada français, alors que pour Vallée, ben, c'est une métropole nord-américaine. Qu'est-ce qui fait, en terminant, qu'une aussi grande vedette soit passée à peu près complètement dans l'oubli aujourd'hui? Bien, c'est assez difficile de pointer dans une direction en particulier. Il y a certains éléments qui portent à croire qu'il y a une question de tempérament aussi là-dedans. C'est un homme assez intempestif et plus ça avance dans sa carrière, plus on se rend compte qu'il crée des fois des relations conflictuelles avec des gens de l'industrie. D'ailleurs, il va écrire plusieurs autobiographies et les deux dernières, celles qui sont publiées après la grande partie de sa carrière, vont être très amères. Et surtout quand on sait que c'est un homme qui conservait tout de son battage médiatique, si on veut. Il demandait à toute sa famille, à tout le monde de conserver tous les petits exemplaires. Ses archives en Californie sont monstrueuses de documents qui ont trait à sa carrière. Il voulait contrôler le récit de sa vie, mais finalement, ça lui a échappé un petit peu. Et justement, par rapport à des figures comme Bing Crosby, il n'aura pas du tout réussi à traverser l'épreuve du temps. Pierre Lavoie, doctorant en histoire à l'Université de Montréal et batteur dans le groupe montréalais Cheshire Car. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Et si Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.